remède à la désillusion. Premièrement, de quelle désillusion on parle? Je sais tu, j'ai pas de question. C'est vrai? Parce que faut se guérir, il faudrait savoir de quoi on est malade. Non, c'est pas une question de maladie. Ce qu'il faut comprendre simplement, c'est que chaque fois que l'être humain va accepter honnêtement d'observer la vie, d'observer le monde, il va à chaque fois se heurter le nez à une désillusion. La désillusion, qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'on se rend compte que ce dans quoi on plaçait nos espoirs est faux ou inutilisable. Il y a la, moi, j'appelle ça la grande désillusion des dieux. Une des premières désillusions que l'humain rencontre. Mais la désillusion des dieux, c'est à différents niveaux. On peut avoir une désillusion en face de ses parents à un moment donné, en face de soi-même, en face des prêtres, en face des scientifiques. On peut avoir une désillusion en face aussi de ce qu'on croyait comme étant des divinités qui pouvaient ou qui étaient intéressées réellement à nous aider. C'est quoi ça? C'est notre monde qui s'écroule, finalement? Oui, quand le monde s'écroule, et c'est important d'observer honnêtement les choses. On a... c'est facile de toujours mettre le dos. Regardez comment c'est bizarre, l'humain. Plus il a de preuves que c'est faux, plus il y croit. Et ça, c'est un principe humain, et c'est ce qui engendre la foi. L'humain se fait un honneur de ne pas décrocher, de ne pas lâcher, quand il a les preuves que c'est pas ça. Bon, si à un moment donné, on rencontre justement un ovni, et on peut expliquer, il y a quelqu'un qui dit, écoute, je survolais la place avec mon hélicoptère à cette heure-là. Puis mon hélicoptère, elle a effectivement trois phares placés d'une façon triangulaire en dessous des patins. Donc, ceux qui croyaient avoir vu une secoupe volante, là, c'était un hélicoptère. Bon, puis le bruit, là, c'était effectivement mon retard, mais c'était un hélicoptère à turbine. C'était pas les pistons, vous entendiez, c'était différent un peu. Mais il y a du monde qui vont dire, ah, écoute, moi, là, je le sais, ce que j'ai vu. Plus ils auront de preuves que c'est faux, plus ils vont croire à la chose. Ça veut dire, plus vous priez, moins vous avez de réponses, plus les gens sont des fervents priants. Plus les gens souffrent dans la vie, plus les gens perdent dans la vie, plus les gens vont croire dans leur spiritualité. Il y a des gens qui vont pratiquer pendant 15 ans, 20 ans la télépathie, puis moins ça marche, plus ils croient. Il y a des gens qui vont voir des voyantes, des voyants, des astrologues, etc. Moins ça marche, plus ils paieront cher pour aller se faire prévoir leur avenir. Mais parce que cette fois-là, ça va être la bonne. Bien, c'est évident, c'est sûr, c'est sûr. Il y a toujours un espoir que, finalement, ça va être vérifiable. Et la majorité des gens qui vont se faire tirer les cartes le disent au départ. Moi, je ne crois pas à ça. Mais je paye 10, 15, 20 piastres parce que je suis épais. Mais quelque part, en tout cas, il faut qu'il se passe de quoi? Mais c'est pas avec la même qui retourne. C'est pas la même personne. Ah, des fois, ils vont avec la même. Non, mais cette fois-là, ça ne tombera pas, cette fois-là. Même les prophéties, en tout cas, tout est complet, c'est une vraie farce à faire. Bon, on parle de la Bible qui est un livre extrêmement actuel. C'est évident, ce genre de livres-là sont des livres qu'on ne doit pas lire. Ce sont des livres qui nous révèlent toujours ce qu'on sait. Donc, tu le lis 2 ans après, ah là, je viens de comprendre. 25 ans après, ah là, je viens de comprendre. Puis 30 ans après, ah là, je viens de comprendre. Le Bhagavad Gita, c'est la même chose. La cosmogonie du Rancier, c'est la même chose. Puis un paquet de livres du genre, c'est la même chose. Non, mais c'est bien quand même. C'est extraordinaire, extraordinaire. Mais ça confirme des choses. L'humain ne fait pas confiance en lui. Oui, ça confirme de quoi? Mais l'humain, il est sûr qu'il ne faut pas qu'il fasse confiance en lui. Il faut qu'il fasse confiance dans la parole de Dieu. Parole d'un Dieu que tu n'as jamais entendu. Mais que théoriquement, il y a 2, 3 000 ou 30 000 ans, il est venu parler aux Australopithèques, aux Pithécanthropes. Il est venu parler du monde, et puis ce monde-là, ben, ils ont communiqué oralement. C'était fiable à l'époque, l'oral, parce qu'il n'y a pas de téléphone. Aujourd'hui, quand on se communique, ça fait le syndrome du téléphone, ça se perd en s'en allant. Mais à l'époque, le téléphone n'existait pas. Fait, quand ils se communiquaient ça de génération en génération, ça ne se permet pas, c'est clair. T'sais. À un moment donné, ils ont commencé à écrire de l'araméen à l'hébreu, de l'hébreu, on a traduit en français, puis apparemment que tout est parfait. Puis on croit. La désillusion, c'est quand, à un moment donné, tu fais des constatations. Tu ouvres les yeux et tu constates que l'être humain n'est pas capable d'aimer. Que tous les êtres humains sont 100% égoïstes, c'est non seulement leur nature, mais c'est leur constitution, leur obligation, c'est ce qu'ils sont. Quand tu ouvres les yeux clairement, tu te rends compte que tes parents t'aiment pour eux autres, mais qu'ils n'ont rien à foutre de toi. Que quand tu ne leur apporteras plus, ils t'aimeront plus, ils vont te lâcher là. Tu te rends compte que ta femme, ton mari t'aime parce que tu y rapportes. Mais quand tu y rapportes plus rien, pouf, elle te lâche là. Tu te rends compte que tes enfants t'aiment parce que tu leur rapportes. Et quand tu te rends compte que finalement 100% de l'être humain aime uniquement parce que ça y rapporte, que l'amour tel que toute notre illusion veut l'amener, l'altruisme qui existe, alors là, foutrement pas, l'égoïsme, c'est pas être un péché, c'est pas un péché, c'est de la réalité. Bon, il y a personne qui aime, tu n'aimes pas tes enfants d'un amour bienfaisant, d'un amour gratuit, tu aimes tes enfants parce qu'ils comblent ta vie, tu aimes tes enfants parce qu'il y a un paquet de raisons, mais tes enfants te rapportent sans arrêt, la journée que tes enfants ne te rapporteront plus rien du tout, les enfants aux poubelles, les enfants. Et ça, quand tu observes la personne qui donne sa vie pour en sauver un autre, et m'en dis-y pas si elle l'aimait, si elle ne l'aimait pas, elle se sent coupable, est en dissonance cognitive, elle est manipulée, elle se garoche dans le feu, elle sort de là, mais un jour, elle ne recommencera plus jamais. Bon, c'est que l'humain ne fait rien pour rien. Et c'est évident. Et ça, là, ben là, c'est quand une des désillusions premières, c'est quand tu constates ça chez les autres. Mais la plus puissante des illusions, c'est quand tu te rends compte que tu es comme eux autres. Ben, c'est sûr que tu es comme eux autres. Je répète souvent que quand ceux qui aiment les fleurs, qui les tuent, qui les mettent dans un bocal, ils aiment les fleurs pour ce que la fleur leur rapporte. Quand la fleur est fanée, elle leur rapporte plus rien, ils la jettent. C'est la même chose. D'autres vont dire, non, moi, j'aime pour le vrai. Moi, je ne tue pas les fleurs. J'ai sème, j'ai laisse pousser. Est-ce que tu cultives le pissenlit? Ah non, pissenlit, non. Pourquoi c'est une mauvaise herbe? Non, le pissenlit ne te rapporte rien émotivement, psychologiquement, alimentairement. Alors que la rose, ça te calme. Tu aimes regarder la rose, mais si la rose, ça te calme pas, tu n'aimes pas la regarder la rose, t'as la fou poubelle, la rose. L'humain fonctionne comme ça. C'est simple. Je rencontre quelqu'un, je ne l'aime pas. Et s'il rentre dans ma vie, puis qu'il commence à me faire à manger, puis à faire mon ménage, je vais finir par l'aimer. Je n'aurai pas le choix. Puis si un jour il dit là, je m'entends ambitionner sur moi, tu profites de moi, je m'en vais. Là, on appelle ça. Ah, là, moi, ben non, reste là, c'est pas vrai, t'as raison, j'aurais dû m'occuper de toi, j'aurais dû m'arranger pour te donner des raisons de rester pour pouvoir profiter de toi. C'est ce qu'on appelle l'amour conditionnel. Ben, c'est ce qu'on appelle l'amour. C'est parce que j'ai entendu ce qu'on dit souvent, c'est que les femmes aiment d'un amour inconditionnel. Non, mais j'aimerais bien t'expliquer ça, là. Non, mais il y a plein de femmes qui vont dire ça. T'écoutes pas un bon poste de radio. Je comprends pas. C'est quoi le rapport? Mais t'as entendu dire ça. Ah, ben j'ose pas dévoiler mes sources. Ben explique d'un policier. T'es un informateur? Les femmes aiment d'un amour qui est extrêmement conditionnel comme l'homme. C'est pas ce qu'ils pensent. Non, mais ça, ben, c'est facile à constater. Explique-moi ça. Parce que je me fais presque embarquer là-dedans, c'est pour ça. Bon, mais c'est pas le sujet. On va en faire des conférences sur l'amour, sur l'idée de monter en amour. Mais présentement, l'humain tombe toujours en amour. La femme aime totalement conditionnel, la preuve, il faut qu'elle te possède. Un, puis ça, c'est pas pour dénigrer la femme. L'homme, il aime sexuellement, la femme, elle aime émotivement. C'est vrai. L'homme, de posséder la femme, c'est physiquement, surtout. Ah, il va l'acheter, il offre des fleurs, il offre des ci, il offre des ça, puis après ça, il faut qu'il couche avec elle. Il y a des choses qui changent. Mais aimes-tu toutes les femmes? Non. Tu vas aimer que les êtres humains qui te rapportent, et ça, c'est conditionnel, puis ça fait partie de l'égoïsme humain. Oh, oui, ça, et ce n'est pas un péché, ce n'est pas un défaut, c'est un fait. La femme, elle va décorer la maison à sa guise. Toi, tu vas venir habiter chez elle, même si tu payes le loyer. Elle va faire ton ménage, elle va t'organiser, etc. Elle aura besoin de réconfort psychologique, elle aura besoin de sécurité, elle aura besoin de pas quelque chose du genre. Puis si toi, t'es pas le gars, il aime ça, ben tu vas voir que c'est fini, là. Et c'est tout à fait comme ça. Toi, tu rencontres une femme qui t'aime, tu couches avec d'autres femmes, c'est pas grave, elle t'aime. Tu viens pas à la maison de temps en temps, c'est pas grave, elle t'aime. T'as fait un cadeau à la voisine, au voisin, à tes enfants, pas à toi, mais c'est pas grave, elle t'aime. Non, tu vas voir que ça fonctionne pas comme ça. Faut que tu y rapportes, sinon t'aimes pas. Puis elle va s'arranger pour te souffler dessus, te t'enguirlander, te donner des bêtises, comme tu vas faire avec une femme si la femme ne te rapporte pas. Parce que quand l'humain dit qu'il s'aime, ben il se te manipule sans arrêt. C'est une question de pouvoir, puis il faut que tu sois dedans, il faut que tu me rapportes. Là, tu aimes ta femme, pas de problème, elle se teint les cheveux en bleu, puis là, ça ne marche plus. Elle ne te nourrit pas les cheveux en bleu. C'est simple. Bon, elle se rase la tête, elle fait comme toi. Ah, ça marche plus non plus. Pourquoi? Parce que oui, là, non, il écoute bien. Non, elle ne te nourrit plus. Tu vas voir que si elle insiste dans pas grand temps, tu vas couper, vous allez divorcer. Tu ne pourras plus. Tu vas dire, oui, mais on a encore un fondement d'amour, je le sais. La nostalgie de ce qu'elle pourrait te rapporter. Ils ne sont pas assez forts. Bon, mais là, on parle de désillusion. Mais c'est parce que ça peut désillusionner certaines personnes, ça, là. Non, lui, ben oui, ben non, mais ceux qui pensent là, que ça existe, là, l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est très, très, très, très simple. Celui qui vous aime vous laisse libre. Bon. Ça, c'est dur. C'est pas dur. C'est ça, l'amour inconditionnel. C'est facile. Quand tu n'aimes pas d'un amour inconditionnel, c'est pas difficile. C'est impossible. Ok, ça n'existe pas. Pas là. Bon. Mais l'amour inconditionnel, c'est banal, banal, banal, banal. Tu aimes et ça finit là. C'est gratuit. C'est l'amour instantané. Mais c'est bon, OK? Les gens qui font du bénévolat le font pour eux autres. Quand ils n'aiment plus ça, ils n'en font plus. Les gens qui donnent le donnent pour qu'on ait le petit gars tout nu, tout squelettique à la télévision, là, on paye pour qu'on ait ça de l'écran. Parce que là, c'est bien, à un moment donné, c'est bien, moi, ça, là. Mais si c'est pas de l'amour! Sans ça, on vous dirait simplement à donner généreusement, ils ont besoin d'aide. C'est dit, là, ça marche pas, ça, là. Monte. Maintenant, on fait venir un enfant handicapé ou un adulte handicapé qui a la dystrophie. Bon, etc. Et puis, sans ça, tu n'as rien à foutre. Tu payes pour qu'on claire ça de là, ce bonhomme-là ou cette bonne femme-là. Tu dis, non, c'est parce que, tu sais, si un jour ça m'arrive, ben c'est ça, tu payes pour que tu te rapportes au cas, on ne sait pas. Et c'est ce qu'on va dire aussi. Un jour, ça sera ton tour. Non, ça, c'est la loterie, c'est pas une maladie du cœur. En tout cas, s'ils font des publicités du même genre, bon. Et ça, c'est l'amour humain. C'est pas un problème. Ce que je veux dire, c'est qu'un jour, l'humain se rend compte que c'est conditionnel, l'amour. C'est pas un problème. On est deux amis. Moi, je t'aime énormément. Uniquement parce que tu vibres dans... Tu me rapportes. Sans ça, je n'aurais rien à faire de toi. Puis c'est absolument évident. Puis Annie, c'est la même chose. Puis toutes mes amies, c'est la même chose. Puis toi, c'est la même affaire. Je te rapporte plus rien. Tu me sacres là, ça finit là. C'est vrai. Puis on veut pas, parce qu'on a tellement été programmé à dire, écoute, non, non, non, non, non, non, non. Oui. C'est pour cela. Les gens vont dire, moi j'aime ça la conférence de Daniel Kemp, parce qu'il vous rapporte. Quand il ne vous rapporte pas, vous n'aimez plus ça. C'est simple. Alors, non, non, non, non, non, oui. Bon. Et c'est juste. C'est évident que je vais être respectueux. Je vais respecter ce que tu es, je vais respecter le maximum de tes désirs, etc. Mais plus on va s'aimer, plus il faudra qu'on soit intelligent. Le respect, là, c'est... Plus on va s'aimer, moins on va se respecter dans le genre humain. Oui, mais le respect, c'est ça. Le respect, c'est forcer les affaires. On va te respecter, là, mais... C'est... Non, ça, c'est pas... Le respect, c'est pas du vrai respect. Le respect, c'est la descente de l'intelligence qui vient contrer ton besoin égoïste d'amour. Parce que si t'aimes, tu respectes automatiquement. Non, si t'aimes, tu respectes plus automatiquement. T'aimes tes enfants, ce qui fait qu'ils vont mettre ça, ils vont manger ça, ils vont sortir avec un tel, ils vont rentrer à telle heure. J'aime mes enfants. T'aimes ta femme, pas de problème. Ça veut dire que, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Le respect, plus de respect. On vous respecte bien plus les inconnus que les connus. Mais plus la personne est près de vous, ceux qui sont en couple, là, il y a des jeunes ici, là, vous êtes deux amis, le gars et la fille. Deux amis, vous respectez un petit peu. Il est au cinéma, non, je n'ai pas le goût. Ah oui, non, je n'ai pas le goût. Ah OK. Là, vous restez ensemble. Il est au cinéma, non, je n'ai pas le goût. Ah, t'es bien plate. Non, mais je n'ai pas le goût. Ben oui, mais si moi, tu n'as jamais le goût. Tout ça, là, vous aimez un peu plus, là. Hein, c'est le respect, il décolle le respect. Mais l'être humain qui a de l'intelligence va respecter. Mais continuons présentement. Bon, il faut parler de remède à la désillusion. Il y a d'autres choses qui sont terribles, mais qui sont terribles. Mais ça, dans le remède, moi, je vois que, bon, on parlait de l'amour, là, au niveau de l'amitié, il y a quelque chose qui... Je comprends qu'on a des amis parce qu'ils nous rapportent, mais il y a quelque chose d'autre. Non, parce que quelque chose que tu veux d'autre. Oui, c'est ça, parce que mais si tu que pas, déjà, ça sera pas ton ami. Déjà, il y a quelque chose d'autre. Non. T'es sécurisé? C'est de la nourriture. T'as des amis, ça te rapporte. Oui, non, mais je dis pas que ça rapporte. T'alimentes astralement, oui. Ça te rapporte. Oui. T'alimentes émotivement, ça te rapporte. Oui, mais je parle en plus de ça. Parce que quand on parle de ça, ça a l'air profitant, puis ça a l'air bon. Non, ouais. Bon, okay. Parce que ça a l'air profiteur, décidons que d'autres choses. Mais c'est pas profiteur, c'est notre match. Je comprends. Mais c'est parce qu'avec les mêmes mots, on peut décrire deux complices qui sont bien plates, que la relation, c'est vraiment... Puis deux amis que c'est haut vibratoirement, puis on va dire les deux... Tiens, on en a... Oui, mais les deux sont identiques, les deux sont ensemble uniquement parce que les deux ont besoin l'un de l'autre. Donc, ça rapporte aux deux. Mais oui, la différence, moi, je dis pas le contraire avec ça. C'est ça, égoïsme, c'est ça. Oui, mais la différence dans ce que tu dis, c'est dans l'intelligence qu'il y a dans les deux personnes. Puis c'est de là va arriver le respect. Non, je vais le confirmer. Ah ouais, c'est vrai. Je comprends ton idée. Mais ça revient encore à l'idée des choses sales. Bon, la sexualité, est-ce que c'est une chose sale ou une chose normale? Je l'ai déjà dit à un moment donné, on monte les fesses plus souvent qu'on monte le devant. Et le devant, il sert à créer la vie. Les fesses, ils servent à faire d'autres choses. Bon. Mais l'idée de saleté. L'amour ne doit pas être un amour qui est conditionnel. C'est yart, c'est pas correct. C'est égoïste. Tu penses rien qu'à toi. Qui ici pense aux autres? Personne. Ah, vous ne pensez pas aux autres. C'est les autres qui pensent dans votre tête. Si tu m'as fait un cadeau de ma fête, tu m'as donné de la marde. Que tu penses à l'autre, t'as mauvais choix. Moi, j'ai acheté une carte, maudit, moi, j'ai acheté une carte. À Noël, on pense à tout le monde à Noël. On se dit, maudit Noël, puis c'est quoi ces idées de cadeaux? C'est sûr qu'on pense aux autres. Bon, c'est sa fête. Et maudit, c'est sa fête, je l'ai oublié. Je le sais qu'on pense aux autres. Mais on ne pense pas altruistement aux autres. On pense aux autres pour se protéger d'une tempête. Ou bien, ça nous fait plaisir. T'sais, moi, ça me fait plaisir de te serrer la main. C'est pour ça que tu me la serres. Moi, là, j'ai des fois, je vais à la radio, puis je le dis pas, ou à la télévision, je le dis pas. Et personne me dit, « Monsieur Kemp, ça nous a fait plaisir de vous recevoir. » Mais ça, vous n'aurez rien à foutre, mais que ça vous fasse plaisir ou pas. Mais c'est comme si mon rôle était de leur faire plaisir. Alors, je dois dire, « Ah, bon, je suis content, j'ai réussi ce qu'il fallait que je fasse. » Non, mais tu peux t'obstiner avec les autres. Non. Je suis venu parce que ça me faisait plaisir, pas parce que ça c'est... Oui, non, ça je te laisse ça à toi, ça c'est ton genre. Ça. Mais l'idée, c'est tellement simple. Moi, ce que je vous dis, c'est de clarifier et simplifier les choses. Et non pas de jouer sur des principes. Oui, mais là, ça donne l'impression de... Non, c'est pas ça. Je dis que quand il y a deux personnes là, qui ne sont pas dans du même... Mettons, on va prendre deux couples d'amis, puis ne sont pas du même niveau vibratoire, puis dans les mots, on va les mettre dans le même sac. Ils sont dans le même sac, sauf qu'ils ne sont pas au même niveau vibratoire. Mais ils sont dans le même sac. Je sais, mais quand on le communique, ça a l'air de dire qu'ils sont au même niveau vibratoire. Oui, mais en tout cas, moi, je viens de te le dire, là. Moi, je te comprends. Ça a l'air, mais c'est pas ça. Mais ils sont tous les deux égoïstes. Les deux le font pour eux-mêmes. Il y a plein de choses que je voulais écrire en vous voilà ici. Regardez ceci. Il fut un temps où nous vivions sur une terre qui était plate. Aujourd'hui, c'est prouvé, elle est plate. Bon. Alors, vu que c'était plate à l'époque, on allait aux quatre coins du monde, les quatre coins ici, on peut voyager aux quatre coins du monde, et progressivement, après ça, ici, on tombait dans des abysses, à finir avec des monstres, et bon, il y a un paquet de théories, et c'était l'univers. Il y avait la lune qui était accrochée quelque part en haut, puis il y avait quelques autres planètes, d'où l'idée des cieux. Ça tournait. Toutes les religions, toutes les divinités, les dieux, que ce soit Brahma dans son souffle élégant, ainsi que Dieu et tous les autres, ont bien expliqué qu'il n'y avait que l'homme, qu'il y avait la terre, que la tête de la terre était le centre, et patati patata. Mais à un moment donné, là, on s'est rendu compte là, qu'il y avait un paquet d'autres phénomènes. Là. Il y avait des espèces de grosses bébelles colorées dans le ciel. On s'est rendu compte que les étoiles, là, c'était pas toutes sur une seule voûte, mais que c'était à des distances différentes. Tout ce que les dieux ont dit à nos ancêtres était faux. Là, c'est facile que tu pourrais facilement rajouter ça. Ah oui, mais c'est parce que l'homme n'a pas compris comme il faut. Ou bien, c'est ajusté à la petite science. Bon. À un moment donné, on s'est rendu compte que nous étions dans une galaxie. Ça fait pas longtemps, ça, là. On parle dans ce siècle. On était dans une galaxie. Et en plus, tous les scientifiques et toutes les divinités dans toutes les religions ont bien dit que le ciel était à l'image de Dieu, immuable. Et on sait aujourd'hui que ça bouge sans arrêt. La planète Terre, elle a eu d'autres axes. Mars a déjà eu d'autres axes de rotation. Là, les pôles ont changé souvent. La grande ours qui nous sert de pôle nord, bien, il y a 30, 40, 50 000 ans, ou il y a 2 millions d'années, n'était pas là. C'est très, très muable. C'est encore faux. Là, on est dans une galaxie, puis on découvre que tout ce qui existe est dans la galaxie. Puis, il y a quelques années, on se rend compte que d'autres, que les nébuleuses en dedans ne sont pas des nébuleuses, ce sont d'autres galaxies plus loin. Et finalement, aujourd'hui, on sait qu'il y a des amas de galaxies. On le sait. On sait même, en plus, qu'il y a probablement eu un début. Là, à peu près 14,6 milliards d'années. Un début. Quelque part là-dedans, ça devrait mettre en doute un petit peu ce que nos ancêtres ont écrit dans leur livre. Pour l'humain, non. Ça ne fait que confirmer. Plus un politicien ment, plus il y a de chances d'être élu. On le sait. C'est partie de la vie, ça, là. C'est la théorie. Comment se fait-il qu'à un moment donné, quelque part, on ne se dit pas « Je suis présentement sur une planète ici, sur l'aile d'une galaxie qui s'appelle la Voie lactée. » Cette galaxie-là contient probablement autour de 200 milliards d'étoiles. Il y a probablement une infinité de galaxies similaires autour de moi. Et encore une fois, je suis là à faire des théories sur ma création, sur mon appartenance, ou qui c'est qui a pris le dernier biscuit. Bon. Mais ça, de conscientiser ça, c'est un remède à la désillusion. Ça dit quoi? Ça devient... Non, c'est bien plus amener une désillusion. Avant, ce qu'il faut que l'humain puisse faire... C'est de s'asseoir sur sa chaise un soir d'hiver, là, avec son gros manteau, puis là, regarder les étoiles, là, puis bien comprendre qu'il est sur une planète. Bien comprendre, il n'est pas dans un monde merveilleux, un monde, il est sur une planète. Quelques milliards de tonnes de roches, avec des océans et des lacs, des rivières, avec des arbres, avec une infinité d'animaux qui vivent là-dessus, avec plein de maringouins, bon, il est sur une planète. Il y en a plein d'autres, probablement. Il n'y en a pas autant qu'on peut penser. Il n'y en a pas autant qu'il y a d'étoiles. Tous les systèmes solaires n'ont pas... toutes les étoiles n'ont pas de système solaire, système planétaire. Et il doit, à un moment donné, là, être capable de prendre conscience qu'il est là. Puis tant qu'à être pogné en fin fond d'une galaxie froide, là, il faut que sa vie change en dedans. Il faut que, quelque part, il se rende compte qu'effectivement, je vis en société parce que ça me rapporte. Je vis avec les autres parce que ça me rapporte. Puis tant que je continue à me faire croire que ce n'est pas pour ça, bien nécessairement, je continue toujours à avoir des relations de dominance avec autrui, essayer de les forcer à me donner, tout en m'arrangeant pour que ça ne paraisse pas qu'ils me donnent. T'aurais pu penser à ma fête, franchement? Écoute, si tu veux qu'on te donne de quoi ta fête, avertis-nous deux jours d'avance. On te donnait de quoi ta fête? Ben oui, tu sais, c'est ça. Maudit écœurant. Tu veux quelque chose à ta fête? Dis-nous-le deux jours d'avance. Je ne suis pas venu au monde pour passer mon année à me demander si boire, si ça fait aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut que tu... Ben non. Tu sais bien que le mardi soir, je m'ennuie. Je suis pas venu au monde me demander quel jour on est. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour l'autre? Tu n'as rien qu'à le demander. Ça serait tellement plus simple. Vous avez besoin de quelque chose? Demandez-le. Ouais, mais l'autre, le temps qu'il reste avec moi, là, il sait moi que j'aime ça de temps en temps. Quand t'en veux, t'en demandes. C'est ça. Faut toujours demander. C'est plus simple. Alors, moi, si je veux avoir un cadeau à Noël, bien, je n'espérerai pas que vous allez m'en faire un. Je vais vous carrément vous le dire. Mais regardez comment ça serait simple. Oui, mais on ne le demande pas parce qu'on sait que c'est fatigant de demander. Puis, C'est pas ça. C'est parce que normalement, vous devriez y penser pour que moi, je ne puisse pas avoir l'impression que j'ai besoin et que je profite de vous autres. Mais c'est parce qu'on espère là, qu'on est important pour les autres qui vont s'en rappeler, puis que là, ils vont, hey, c'est une preuve d'amour qu'ils pensent à nous. Je dis, il ne faut pas que moi, je me rende compte que finalement, j'aime mes amis pour profiter. Alors qu'en réalité, si je le dis clairement, écoutez, voulez-vous un cadeau à Noël? Aimeriez-vous ça? Je dis, ben oui, j'aimerais ça, ouais, une surprise. Parfait, moi aussi, j'aimerais ça. Non, non, on ne donne pas un cadeau pour en recevoir un. Oui! C'est vrai! Il est temps qu'on se réveille. D'où? C'est plutôt qu'on veut en savoir et pas en donner. Ouais. Dans ton cas. Il y en a d'autres qui vont dire, non, moi, je veux en donner, puis je laisse ça en recevoir. Parce que des fois, tu en reçois des plus gros que tu t'as donné. Et puis là, tu te sens tout mal. Et pourquoi tu en donnes? Le cadeau que tu veux avoir, toi, c'est que les gens pensent pas que tu es un écœurant. Fait que tu en donnes, puis le cadeau que tu recherches, c'est que les gens pensent que tu es correct. Mais toute la complexité de la mécanique, le mieux, c'est que je m'en vais m'acheter mon cadeau, acheter ton cadeau, acheter ton cadeau, acheter ton cadeau. Et là, c'est plus un cadeau, parce que je suis ce qu'il y a dedans. Mais moi, ce que je vous dis simplement, c'est que là, au fin fond de la galaxie à côté, là, il y a moyen de vivre. Il y a moyen d'avoir le sourire. Il y a moyen, mais pour ça, il faut qu'on simplifie. Il faut qu'on sorte des mécaniques d'illusion. Donc, il faut qu'on accepte de se confronter à une désillusion majeure. Vous aimez parce que ça vous rapporte. Donc, quand ça va être clair, bien, c'est facile de dire à votre femme, à votre mari, à vos enfants, à vos voisins, à vos amis, j'aime, je suis heureux, je me sens sécurisé quand tu me rapportes. Alors, nous allons, au lieu d'établir une stratégie hypocrite de relation de rapport, on va établir une stratégie sur la table de relation de rapport. Ça va être plus facile à gérer. Ben oui, on a. Mais là, mais c'est ça le remède. Moi, j'entre là, oh, et mal au dos, et t'es maudite journée. Je veux qu'elle me fasse un massage. Bon, là, je marche. Là, la bonne femme, elle est trop liaisée, se rend compte. Demande-le donc. Demande-le donc. Ah, elle va dire non. Bon, ben, chiant. Ah, maudit. C'est pas ça, tu t'en vas parler de tes chats. Bon, oui, ma femme, elle est pas, je t'assure. Même pas foutu de me faire un massage, je sais, puis, tu sais, c'est évident, tu sais, j'en ai besoin, c'est évident. Moi, quand le monde vient de se plaindre, je leur demande, « As-tu demandé? » Ben oui, oh non, as-tu demandé? T'as marnouche, elle, ça va bien? Bon, mais il y a peut-être... As-tu demandé? Il y a peut-être le principe, là, « Donnez, vous recevrez. » Tu sais, ça marche seulement d'un coup, ça. Quand c'est une claque, t'en souviens. Ça veut pas être ça marche. OK. Non, mais c'est le même principe, ça s'applique pareil. C'est que si moi, je veux, on vit ensemble, puis tantôt, il me fait des massages, à un moment donné, tu vas t'écœurer. Non, je ne m'écœurerai pas. Moi, je vais te dire, écoute, là, ça fait trois massages que je te fais. Fait que demain matin, tu m'en fais. Demain, c'est à ton tour. Ah, bien, c'est ça. C'est ça. Oui, mais c'est ça, on s'aime parce qu'on ne se rend pas. Si tu ne veux pas, toi, dans ton cas, par exemple, tu vas dire, oh, ben là, au bout de bain. Alors, moi, il m'a dit, pas de problème, je t'en rappelle. C'est simple. Ah, c'est des menaces. Pas des menaces, c'est un fait. Mais allez, ma fille Annie, elle va me masser. Et toi, tu n'aimeras pas ça assez, je sais. Simple. Simple. Vous avez besoin, par exemple, bon, vous retrouvez à l'hôpital. Appelez-vous tous vos amis, moi, qui viennent vous voir. Appelez-vous, dites-vous à vos amis, toi, là, j'aimerais ça que tu viennes. Oh, ben non. Si c'est des vrais amis, ils vont venir. Vous aimez ça, souffrir. Moi, je vous dis qu'on doit mettre ça sur la table. Le remède à la désillusion porte un mot, c'est lâcher prise. Ça veut dire être beaucoup plus simple. Transparent aussi. Ben, nécessairement, ça va l'impliquer. Tu peux pas être simple puis lâcher prise en étant opaque, en étant menteur, en étant hypocrite, etc. La désillusion, là, oui, mais pourquoi Dieu nous a abandonné? Lâche prise! Relax dans la vie. Relax en face de la vie. Lâche prise. Va jouer. Oui, mais là, l'autre, c'est quoi le règlement du jeu, là? C'est banal. Vous jouez au hockey, puis là, il vous prend l'envie de lancer dans vos buts. Vous comptez un but. Au fin fond de l'aile droite de notre galaxie, là, c'est-tu bien important? Mais vous allez voir que votre gardien de but, votre chum, là, il y a des chances qu'il vous parle plus trop. Mais c'est parce qu'il y a des affaires. Là, je crois qu'ici, il vous parle, c'est pas le même. J'ai pas d'exemple précis, mais il y a des affaires que tu fais pas. Parce que ça peut te nuire pour le restant, c'est par exemple d'un milieu parce de travail. Dans un contexte oui, mais... qui est totalement mensonger qu'il faut. Oui, mais c'est pas un individu tout seul, par exemple, parmi un groupe de 5000, on va dire que le travail, la personne travaille dans un milieu où il y a 5000 employés. Si tu décides du jour au lendemain de fonctionner comme toi tu penses que ça doit être, tu vas être dans le trouble, tu vas faire des choses qui vont être interprétées par d'autres comme des niaiseries, puis tu vas avoir cette image-là qui va te suivre pour les 25 prochaines années. Tu es barré partout après. Entre toi et moi, t'es barré de toute façon. Vous allez passer votre vie à faire attention pour ne pas être haï. Vous allez passer votre vie à avoir 3, 4, 5, 5, 6, 7 amis. Puis il y a encore des amis qui... Oui, mais quand même, là. Mais c'est finalement, tout le monde fait semblant. Alors, si toi, tu ne fais plus semblant, ben, tu te trouves à... Toi, là, si tu ne fais pas semblant, là, Michel a raison un peu. Oui. Si tu es nature, si tu es peu... Tu vas nécessairement être un crotté, être un égoïste majeur, être un danger social, être un tout ça, parce que tu fais exactement comme tout le monde, mais tu sais ce que tu fais. Tu vas faire du bénévolat parce que tu sais très bien que ça te rapporte, ça t'énergise, ça te déculpabilise, tu y vas pour ça. Il y a un gars qui me pose la question. La conférence, M. Kim, demain, vous allez faire. Il y a un gars qui a une interview à la radio. Pourquoi vous avez choisi de faire ça sur ce sujet-là? C'est l'importance de la lecture dans l'éducation des jeunes. Pourquoi vous avez choisi ce sujet-là? Moi, je dis, veux-tu la vraie réponse ou une réponse radiophonique? Elle me dit la vraie. Ben, parce que c'était c'était le seul titre que les organisateurs du Salon du Livre ont accepté. Ah! Ben, tu me poses la question, pourquoi j'ai réussi pour ça? Je le faisais sur un autre sujet, et je peux pas aller faire une conférence là. Enfin, j'ai fait une conférence là, sont ajustés de même, et les gens vont dire, ah, parce que moi, je considère important que... C'est sûr qu'on considère ça important, mais c'est pas pour ça. Tout le temps. Demande aux politiciens, pourquoi vous suggérez ça aujourd'hui pour être élu? C'est ça la réponse. On la connaît tous. C'est pas ça qu'il va dire. Oui, il est libre, ça. Mais le monde s'en vient tanné, par exemple. Les commentaires du public, on va leur demander qu'est-ce qu'ils pensent des politiciens, puis tout ça. Puis de plus en plus, il y a un écœurement majeur face au fait. Mais à l'époque des Grecs, ils étaient écœurés. À l'époque de Rome, ils étaient écœurés, les politiciens. Puis sans arrêt, comme ça, on peut remonter. Là, ils sont écœurés. Puis dans 3, 4, 5, 6, 10, 15 ans, ils vont être écœurés d'une nouvelle façon. Puis ils n'auront pas changé grand-chose là. La désillusion, c'est lorsque tout ce qu'on a construit, ce qu'on s'est fait donner, lorsqu'on l'observe clairement. Vous savez, les extraterrestres, qu'ils existent ou qu'ils n'existent pas, c'est clair et évident qu'ils ne sont pas là pour venir nous aider ou nous sauver. Ça ferait longtemps qu'ils seraient intervenus. Bon. S'ils attendent que le feu soit pris pour venir l'éteindre, franchement, comme sapeurs-pompiers, là, c'est pas fort. Bon, c'est plutôt des sadiques. L'idée n'est pas de se demander puis d'essayer de se... Bon, c'est pas ça l'idée du tout. L'idée, là, c'est que l'être humain doit lâcher prise, simplifier, des illusions en face de n'importe quoi. Ça fait 25 ans que je travaille pour telle compagnie, puis subitement, ils te mettent dehors, puis tout ce qu'ils te disent, c'est que... On te remercie, on te donne un petit trophée, on te donne 2 semaines de paye ou 2 mois de paye, tu t'en vas. Des illusions en face de la vie. Ou encore, j'aurais tout donné à mes enfants, puis c'est le même qui me remercie. Je le sais, je leur ai tout donné dans le but de te garantir une retraite confortable. On comprend l'idée. Mais tes enfants sont comme toi, bien égoïstes. Puis eux autres, ils vont s'arranger pour mettre ça sur leur barre parce qu'ils se sentent moins coupables. Ici, ils n'ont pas l'impression qu'il faut qu'ils te retournent tout parce que tu leur as tout donné. Mais tu leur as tout donné dans le but qu'ils te le remettent quand tu vas être vieux. C'est évident, sans ça, tu ne chialerais pas quand rendu là. Des illusions, quand l'humain rencontre cette désillusion, là, ce que l'humain doit faire, ce que vous devez faire pour être capable de vivre, c'est de comprendre premièrement que le bonheur, là, être heureux, ça fait partie des choses auxquelles l'humain a le droit. Puis quand je parle de droit, je ne parle pas de législation, évidemment. Ce que je vous dis simplement, c'est que ça, c'est une chose, c'est une très, très, très grande nourriture. Puis cette nourriture-là, on ne peut pas aller la quémander ou la quêter. Puis cette nourriture-là, elle apparaît uniquement... Savez-vous, le bonheur, c'est comme le repos. C'est comme le repos. La personne qui marche bien, bien vite, là, puis qui va, je vais me reposer, là, je me repose. Là, on va dire, écoute, tu veux te reposer, arrête. Mais le bonheur, c'est la même chose que le repos. Voulez-vous vous reposer? Cesse de travailler, lâche ton ordinateur, lâche ta tondeuse, lâche ton tournevis. Lâche ton ménage, lâche tout. Voulez-vous être heureux? Lâche. Lâcher, c'est la même chose. Tu veux être heureux? Lâche ton ego. Lâche tes complexes. Lâche ta gêne. C'est toute cette cochonnerie-là, là. Lâche ta peur, lâche ta jalousie, lâche ta colère, lâche un peu, là. Ouais, mais là, moi, là, on va être heureux quand on va planter 3 arbres de plus que le voisin. Non, tu seras pas heureux. Lâche! C'est comme le repos. Le bonheur, c'est comme le repos. Passer sa vie à courir et à travailler. Moi, il me faut un grand salon, il me faut... Non, c'est du confort. Le confort, c'est utile. Le bonheur, c'est autre chose. On peut l'avoir dans le confort, on peut l'avoir dans l'inconfort, c'est autre chose. Sauf qu'au départ, il faut humainement s'aimer un peu plus. Il n'y a pas, quelle que soit la désillusion que vous allez rencontrer à un moment donné, le remède majeur, de toute façon, le remède à la vie tout court, à la mort, à n'importe quoi, c'est de lâcher prise. Lâcher prise ne veut pas dire se laisser aller dans le vent, là, puis on devient la marionnette complète et totale. On a déjà assez de marionnettes comme ça. On est en super marionnettation, voilà ça. En noir et blanc avec des faces carrées. Bon. Mais lâcher. Daniel, le lâcher prise, là, ce que j'observe, c'est que l'humain, c'est comme le repos, il dit je vais me reposer quand je vais avoir travaillé suffisamment, ou je vais lâcher prise quand je vais avoir ramassé tout ce que j'ai à ramasser avant. Il veut se garantir. Dans mes livres, j'ai écrit un petit truc qui dit simplement c'est à quoi sert de passer sa jeunesse à préparer sa vieillesse pour ensuite passer sa vieillesse à regretter sa jeunesse. Bon. C'est inhumain, ça. Bon. Savez-vous ce que c'est? Un mode. C'est important, ce mot-là. Un mode, c'est une façon d'être ou une façon de faire. Par exemple, je prends... une perceuse, et je la mets en mode tournevis. Puis là, je peux visser des vis. Puis quand la vis est suffisamment rentrée, bien, il y a une transmission, un embrayage qui désembraye la perceuse pour que finalement je perce le mur avec ma vis. Bon. Je peux la mettre en mode dévissé, en mode vissé. Un mode. Quand vous vivez, actuellement, l'humain n'agit pas comme s'il était capable de se brancher dans un mode. Il le fait plus ou moins consciemment, mais on n'appelle pas ça un mode, on appelle ça une personnalité. Alors le matin, il se réveille, il se tire un peu, le parent il se lève, là il rentre dans la personnalité du parent. Là, il faut qu'il réveille les enfants pour l'école, il chiale un petit peu, il va réveiller l'autre, il le réveille encore pour faire le déjeuner. Les parents, les enfants parlent. Là, il descend, il rentre dans son automobile, là, il rentre dans une personnalité conducteur. Il arrive au travail, personnalité collègue de bureau. Puis il revient chez lui, personnalité parent. Puis quand il se couche, il revient pour lui. Bon, personnalité. Un mode, c'est un ensemble de mécaniques qui font en sorte que vous, non, vous êtes ça. Exemple, si vous êtes dans un mode d'humain intelligent, vous levez un matin, là, puis là, vous vous mettez en mode de ça. Exemple, vous voulez faire vous voulez peindre une toile, bien, vous vous mettez en mode peintre. Bon. Puis là, si tout est en mode peintre, vous allez facilement acquérir de dextérité. Alors, vous êtes en mode bonheur. C'est un mode. Le mode bonheur est défini comme de quelle façon? Vous prenez votre automobile, en roulant, vous avez il y a un pneu qui éclate. Crevaison. Vous êtes en mode bonheur. Si vous sortez de votre automobile là, en mode bonheur, vous ne chiolerez pas après le pneu. Vous allez simplement changer la roue. Là, vous me dites, oui, mais je ne peux pas changer la roue parce que ça fait deux fois que je la change en 15 minutes. Il faut prendre le pneu de 9 ans, il est correct. Sur une crevaison, c'est pas grave, c'est toujours à terre que c'est le problème, tu sais, fait que tu peux rouler. T'es en mode. T'appelles une remorqueuse, t'appelles n'importe quoi, si tu sois sur ton capot, tu lèves un peu ta paire de pantalon, tu sais, un peu tu pousses. L'idée, c'est que si vous êtes en mode bonheur, vous ne laisserez rien venir intervenir dans votre vie pour venir vous démolir. Si vous êtes capable d'être en mode bonheur. En mode bonheur, ça veut dire que vous allez avoir, si vous êtes capable d'appliquer un mode. Un mode écologie, mode intelligence, mode bonheur, mais un mode. Pas une mode. Par exemple, il y a un incendie, mais mettez-vous en mode d'urgence ou en mode pompier. Allez penser bien différemment. Vous allez être capable d'agir différemment. Vous pouvez vous mettre en mode panique. Vous allez être très efficace aussi. Mais du côté panique, évidemment. Bon, je me mets en mode urgence. Je vais avoir des mémoires d'intervention qui vont revenir, des choses que j'ai apprises, ce que j'ai vu, etc. Je vais être efficace. J'agis comme si j'étais, bien, vous agissez parce que vous l'êtes. Le mode bonheur, ça implique nécessairement que vous décollez à. Je rencontre Michel. Michel me dit, hey, écoute, c'était ma fête hier, tu aurais pu me donner un cadeau. Je suis en mode bonheur et moi, je vais dire, écoute, quand tu seras par là, on se parlera, moi, je m'en vais me promener. Je le laisse là. Il m'appelle au téléphone, il me chiale après, je raccroche. Là, il va dire, ouais, mais tu hypothèques ton avenir. J'hypothèque pas mon avenir. Ou il va comprendre, ou il va casser. Mais une chose est certaine, c'est que moi, je ne sais pas ma vie. Si je suis en mode bonheur, je m'arrange pour éliminer de ma vie les crottes, et je m'arrange, moi, pour, pas pour être positif dans la vie, pas ça, pour profiter au maximum. Mais si je suis intelligent, je profite des choses qui me plaisent, qui m'alimentent, qui me nourrissent, et je sais apprécier ces choses-là, si je suis intelligent. Et apprécier veut dire nécessairement que je suis capable de les respecter. Me mettre en mode bonheur, c'est parce que je lâche prise. Ça veut dire que si je me mets en mode, appelez ça comme vous voudrez, le mode intelligent, le mode bonheur, je décide que, bon, je me mets comme ça ce matin, je me lève. Je me lève, on est dimanche matin, foutu journée plate depuis que je ne veux plus à l'église. T'sais? Avant, c'était une journée de quoi faire. Je m'habillais, je cherchais à m'habiller propre, m'habiller beau pour épater un peu la galerie. Je vais à la messe, et puis après ça, je vais je vais plus à la messe, j'ai une journée plate. Vous vous levez en mode plate. Il y en a qui se couchent en mode plate. Il y en a qui, dès le vendredi, ont peur du dimanche. Il y en a qui vont se dire, écoute, on fait pas ça samedi, on regarde ça pour dimanche, c'est dimanche, c'est plate. Ils vont passer la journée de samedi à rien faire, c'est pas plate, parce que dimanche, ils font rien, c'est plate en maudit. C'est sérieux! Bon. Mode bonheur. Mais ça veut dire que on se place comme réelle priorité. C'est que là, on voudrait que les autres nous mettent en priorité, puis comme ils le font pas, ben là, on est malheureux. Alors que si on le fait soi-même, ben on prend au moins soin de notre bonheur. La grosse farce de l'humain, c'est justement ça. C'est que toute votre éducation, qu'est-ce qu'elle est? C'est que vous avez été éduqué à recevoir le bonheur des autres alors remettre à petit feu. Alors moi, j'arrive, puis je vous demande, comment trouvez-vous mes nouveaux souliers? Je remets mon bonheur entre vos mains. Si vous êtes bien élevé, vous allez dire, « Oh, qu'ils sont jolis! » Là, vous me la remettez. Là, moi, j'apprécie. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors que moi, j'achète des souliers, quelqu'un me dit, « Ils sont bien laids, des souliers! » Qu'est-ce que tu veux, ça me fout que tu trouves laid, mes souliers? C'est des souliers! Dans sa caboche, il est trop laid! Mais je m'en fous! Ouais, mais t'as l'air épais avec ça! Regarde, 3 pouces plus haut! Tu les verras plus! Mais normalement, on va tout y aller avec une grosse dialectique pour expliquer, bon. Mais toute notre sécurité repose là-dessus. Alors parce là, on s'arrange. Dans l'illusion de la mécanique. C'est ça. Fait que là, on s'arrange pour prendre soin du retour que les autres vont avoir, parce qu'il ne faut pas que ça nous ébranle trop. Qu'est-ce que tu en as à faire, toi, d'être beau ou d'être laid? J'en ai rien à foutre. Bon. Ça ne change rien, ta vie. Les gens qui t'aiment vont t'aimer de toute façon. Les gens qui sont neutres avec toi vont rester neutres. Les gens qui ne t'aiment pas vont t'aimer. Ils ne t'aimeront pas plus de toute manière. Qu'est-ce que ça peut foutre? Oui, mais il y a un fond là-dedans. Ça, c'est une façon là, d'exprimer. Mais à l'intérieur, il faut quand même travailler quelque chose pour être bien. Parce que si quelqu'un dit, bon, tu as un beau chandail, tu as des beaux souliers, des beaux pantalons, nécessairement, ça, on a de l'ego, puis ça revalorise l'ego, ça envoie un baume, ça donne de l'énergie. Pas heureux là-dedans, par exemple. Ben, en tout cas, ça donne de l'énergie. Même pas. Ben, pour la majorité du monde, oui. Non, et puis, regarde comment c'est. Moi, j'ôte mon chandail, je me mets un chandail. Je suis seul chez moi. Je ne perds pas d'énergie. Puis quand je vous rencontre, là, j'ai besoin que tu m'en donnes. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, l'énergie que j'ai, non, je te c'est la pas, donne. C'est pas un besoin de. Je la redonne. Non, mais c'est pas. OK. C'est de se faire dire que c'est pas correct. C'est négatif. Ça brûle l'énergie, puis se faire dire. Ça vient se faire dire, c'est correct, c'est neutre. Oui. Se faire dire quelque chose de positif ou négatif, nécessairement, ça donne l'énergie ou ça enlève. Uniquement parce que tu t'accroches à tout un paquet de foutaises. Oui, mais c'est comme ça. Mais c'est quand même vrai. Je te dis pas que c'est pas comme ça. Je te dis simplement que si tu veux être heureux, faut que tu lâches ça. Oui, mais. C'est par exemple, l'exemple que tu donnes, je suis d'accord avec ça, quelqu'un qui m'appelle puis commence à m'engueuler ou je raccroche, puis c'est mon meilleur ami, par exemple, ben là, ou pas, c'est ma mère, par exemple, qui m'appelle. Nécessairement, après ça, il faut que je sois capable de supporter le fait que je raccroche. Je ne dis pas le contraire. Parce que je peux être plus croche après. Ce que je te dis, c'est que tu as passé ta vie malheureux, tu as passé ta vie comme tous les humains la vivent. Oui, mais okay? Moi, si que tu veux mettre fin à ça à un moment donné, il faut que tu sois capable, pas de raccrocher à ta mère. Il faut qu'au départ, que tu sois capable de constater effectivement que ta mère, elle t'appelle, puis quand elle te donne des bêtises, c'est uniquement parce que tu ne l'as pas alimentée. Elle ne t'aime pas. Tu n'as pas été à voir depuis 2 mois. Elle t'appelle, tu as chiolé après. Tu ne lui as pas rapporté ces 2 derniers mois. Elle t'appelle pour te donner des bêtises. « Ouais, il n'a pas assez à moi un petit peu, mais... » C'est ça, c'est parce qu'elle ne s'est pas alimentée depuis ces 2 derniers mois. Je comprends que c'est correct, c'est humain, etc. Moi, ce que je dis simplement, c'est qu'il faut que toi, au départ, tu constates la mécanique, l'illusion majeure dans laquelle l'humain reste ancré, pour finalement, après ça, être capable de gérer. Si ça ne te tente pas d'aller chez ta mère, il va falloir qu'elle apprenne que ça ne te tente pas, puis tu n'y vas pas. Mais là, il faut aussi que toi... Tu t'éduques à être bien là-dedans. Si tu as constaté déjà le jeu de ta mère, tu vas nécessairement être rapidement bien si tu lâches prise. Mais si tu joues à lâcher prise, tu lâches prise à moitié, tu vas répondre. Mais là, je te parle de lâcher prise. Okay. Réexplique ou explique donc, le lâcher prise, c'est quoi? Lâcher prise, ça veut simplement dire que tu n'embarques plus dans aucun des véhicules humains qui servent à l'évolution de l'humain. Tu n'embarques plus dans aucune des religions, tu n'embarques plus dans aucun des concepts théologiques ou philosophiques. Tu peux écouter, tu peux regarder, tu peux jaser des choses intéressantes. Une religion qui dit qu'il faut s'aimer les uns les autres, tu dis, je suis entièrement d'accord. Mais il faut que tu te ramasses. C'est fini là, tu n'as pas besoin d'aller. Faut, c'est parce que là, tous les semaines pour prouver que tu aimes. Je ne veux pas mêler avec la solitude, là, mais quelqu'un qui commence à vivre ça, vivre comme ça, se ramasse seul dans son coin. Non. Ben oui. Non. Celui qui comprend les mécaniques et qui applique ça ne se ramasse pas seul dans son coin, il se ramasse avec des amis qui vont le respecter. Mais il va être, oui, tout le monde il va être avec sa gang. Il va être non, avec non, du monde non, tout le monde a peur. Les gens ont tellement peur. À chaque fois que moi, je parle à quelqu'un d'être mieux, c'est des discours comme ça qui me tiennent. Oui, mais si je commence à appliquer là, totalement là, d'être mieux, là, elle m'a avoir des maudits problèmes. Les gens ont tellement peur. Sois transparent. Elles vont me faire haïr. Non! Tu vas perdre 4-5 caves autour de toi, puis les autres vont se recycler, puis vont finir par dire, que tu demandais à Michel Lacerte s'il venait, ouais, il m'a dit qu'il venait pas. T'as insisté, oui, mais ça sert à rien. C'est comme OK? Ouais, t'as raison. Ils t'aiment comme tout le monde, mais eux autres, ils vont dire c'est correct. L'autre qui on manipule tout le temps, là, ce soir-là, il disait, il veut pas venir, t'as insisté, ouais, mais il veut rien savoir. Ah, on va l'appeler, il m'a parlé. Lui, on va l'écœurer. Puis ce soir-là, s'il dit non, là, on va l'haïr. Mais s'il répète non à chaque année ou à chaque 6 mois quand on l'invite à une place qu'il ne veut pas venir, on finit par s'habituer. Il y a une transition qui est sûrement difficile. La transition, elle est pénible parce que l'humain semble perdre le contrôle sur votre vie. Il ne veut pas. Ta mère, elle ne veut pas perdre le contrôle. Ton patron, tes amis, etc., ta femme, tes enfants ne voudront pas perdre le contrôle sur toi. Mais au début, après ça, tu vas continuer à le rapporter. Ta mère t'a dit, écoute, je ne vais pas à ces fêtes-là. Parce que là, vous buvez tous, vous êtes tous chauds après. Moi, j'aime pas ça. Elle a dit, ouais, t'es pas pour nous empêcher de boire. Je vous empêche pas de boire, j'y vais pas. Ouais, mais c'est pas correct, c'est de même. Flat, fini là. 3 semaines après, va voir ta mère. Bonjour, maman, comment ça va? Ah, c'est maintenant que tu passes. Va-t'en. Va-t'en. C'est simple. Retourne 2 semaines après, elle dira rien. Le gros gâteau, la tarte aux pommes, ce que t'es tellement envoyé. Puis là, va l'alimenter. Parce que tu t'alimentes. Puis tu vas voir que ça se fait bien. Là, après ça, tu as invité Michel. Ah, lui, il vient jamais, il n'aime pas ça. Tu sais comment il... Ah ouais, c'est bien. Même ils diront n'importe quoi. Ils t'aiment ou ils t'haïssent autant qu'ils aiment tout le monde au complet. Il n'y a rien de changé. Sauf que maintenant, tu es libre. Faut arriver là, bonheur. Le début, tu as ton énergie. Tu t'entoures de vrais amis. Hein? Pas d'un homme, d'une femme, d'enfants, d'amis, de vrais amis, qui nécessairement vont bénéficier de ta présence parce qu'ils s'alimentent. Sinon, on ne sera pas. Ça veut dire, tout à l'heure, tu disais, on fait des cadeaux, par exemple, on aide les autres dans la mesure où ça nous rapporte. Ben là, il faudrait faire la même chose avec nous-mêmes. S'aimer en autant que ça, dans le but que ça nous rapporte. Oui, sauf que tout le monde, vous avez tous appris, qu'il fallait donner aux autres, pas à nous autres. Puis l'humain qui est malade a bien de la misère à donner. Celui qui est pauvre a bien de la misère à donner. Puis celui qui est riche, il donne souvent beaucoup. Puis pendant longtemps, c'était toujours un vil riche. Celui qui était riche avait nécessairement volé tout le monde. Mm-hmm. C'est une vision très communiste de l'affaire, très socialiste-communiste. On doit... La première personne qu'on doit sauver, la première personne qu'on doit aimer, la première personne qu'on doit nourrir, qu'on doit entretenir, qu'on doit choyer, qu'on doit organiser, c'est nous autres. Puis c'est pas crotté ou quoi que ce soit, c'est évident. Le père le plus heureux sera le meilleur père pour ses enfants. La mère la plus heureuse sera la meilleure mère pour ses enfants. Puis, c'est pas le meilleur conjoint, puis le meilleur conjoint, il faut que ce soit deux amis. Qu'est-ce que c'est qu'un devoir conjugal? C'est de prêter tes fesses à l'autre. Bon. Ça n'a pas de bordel de bon sens. Tu sais, bon, mais là, chez soi, vous faites mon devoir conjugal. Au fond de la galaxie, là, t'es venu au monde. Faire votre devoir conjugal. Tout ça au complet. Oui, mais si je ne le fais pas, là, l'autre est... Écoute, il faut qu'on se prenne en main. On n'est pas au Bangladesh, on peut faire plus de choses ici. On va laisser le temps à l'autre de vivre. Mais si on va en frapper des désillusions, plus vous allez vous conscientiser, plus vous allez ouvrir les yeux, plus vous allez accepter de garder les yeux ouverts. Pas vous lancer en croisade, en quête, faire fermer la gueule à quelqu'un ou faire ouvrir la gueule à l'autre ou convertir le monde que c'est vrai ou que c'est faux. Ça, c'est une perte de vie. Mais Daniel, pourquoi ça a l'air plus facile de garder les yeux fermés? Pourquoi ça a l'air plus facile de rester dans la... Bon, je vais faire comme tout le monde, je vais donner mes petits cadeaux, puis finalement, ça ne dérangera pas, je ne ferai pas de vague. Parce que c'est un autre sujet. Tu as un ego qui est collectif, qui est bâti pour être égal et pour être normal. Puis l'humain est totalement collectivisé. C'est un être collectif. Mais l'intelligence, ce qui habite les individus de temps en temps, ça descend, puis ça vient s'ajuster à une efficacité beaucoup plus réelle. C'est pas collectif. C'est plus facile quand même. Parce que ça, demande... c'est plus facile. Non, mais t'es pas plus heureux. Non, mais ça demande... Les gens collectifs là, sont aussi malheureux que les gens individualistes. Mais c'est parce que appliquer ce que tu dis, ça demande une masse d'énergie, ça prend beaucoup d'efforts pour arriver à traverser ça. C'est, l'énergie va venir souvent par l'écœurement. Moi, je suis d'accord pour dire que tu es vraiment mieux après avoir traversé ça, mais c'est pour le traverser. Avant ça, c'est bien plus facile. Pas rien bouge pas. C'est bosse pas de merde. Oui, mais regardez, le gros gag, la grosse farce là-dedans, c'est que vous êtes dans un marasme particulier qu'on sent un peu moins parce qu'on s'y habitue. C'est pas heureux, là. On s'adapte à ça. Ah, on est habitué. Pas heureux. Passez votre vie à essayer d'essayer d'améliorer. Bon, améliorer votre corps, améliorer votre état financier. Bon, ben là, il y a un tel, vous devez aller au cinéma avec lui ce soir, ça ne vous tente plus, là, vous y comptez un paquet de menteries. Il vient cogner chez vous, le fond se cache, on ne répond pas. C'est boulot. Bon, il est tout dans la manchette, il t'ouvre la porte et ça ne tente plus. Ah! Quand tu auras un téléphone dans ton char, on va t'appeler avant que tu arrives. Mais là, tente plus. Vous n'avez rien à dire à l'autre. Ah, mais c'est pas correct, ça, c'est pas si, c'est pas là, rien à dire. Ça fait 20 fois que je vais aller au cinéma avec Michel, ça fait 20 fois qu'il se décommande à la dernière minute. Mais après 3 fois, j'aurais dû apprendre à y aller tout seul au cinéma. Mais non, il faut que je le tête. Puis en plus, il va falloir qu'il aime le film qu'on va voir. Parce qu'à sortir du cinéma, si je demande s'il n'a pas aimé ça, s'il a aimé ça, non, c'était plate, ça marche plus. Là, on s'obstine encore. C'est très important. Quand je te dis de lâcher prise, présentement, vous vivez, vous êtes là, on vit, ça va, ça marche. Puis toute la vie est un bordel, une complexité majeure, avec des stratégies de relations humaines, des hypocrisies de l'autre côté, des ensembles de mensonges qui, apparemment, consolident la vie. Oui, mais là, si on commence à ôter un mensonge, vous deux, tout va s'effondrer. Je le sais, mais ça s'effondrera. Puis une fois que tout est à terre, tu ne le remontes pas. Laisse-le là, il va rester la pureté. Là, tu vas voir que oui, on peut s'entendre tous les deux, et maintenant, c'est clair. Oui, mais ça a été souffrant. Tu fermes ta grande bouche, tu n'as pas besoin de parler de ça. La grosse fiction philosophique sur la souffrance de la transition. Transit donc, là, tu sais, le même simple. Et du passé, parce que là... Tu n'as jamais porté ça des lunettes, toi, hein? Moi, j'ai déjà eu des lunettes, des verres. Oui, des lunettes de soleil. Oui, ça veut dire des verres. Voir. Puis là, quand je rentrais d'une maison, je rentrais toujours, je voyais clair dehors. Là, tu rentres dans la maison l'hiver, puis là, pfff, c'est de grosses buées des lunettes, tu vois plus rien du tout. Quelle souffrance! À un moment donné, je rentrais plus dans la maison. L'hiver. Tu couches dehors? Mais non, mais chez nous, je rentrais bien. Ah, okay. Mon chum me disait, rentre 5 minutes sur moi. Non, oh, non, je rentre pas, je reste dehors, parce que là, savez-vous comment ça prend de temps, les essuyer? De toute façon, les verres, les lunettes d'enfant, je trouve du crotté, fait que c'est pas plus crotté que ça. Ah, oh, mais non. Mais je restais dehors 5, 10, 15 minutes à attendre pour pas passer 30 secondes à essuyer. C'était là, voilà, ils ont fait une deuxième fois, m'emmener, là. C'est de même que c'est... Combien parmi vous, quand vous avez de la neige dans vos bottes l'hiver, vous ne l'ôtez pas? Vous préférez marcher dans de la neige pendant 10, 15, 20 minutes en espérant que ça va réchauffer que de passer 15 secondes à l'ôter. Mais c'est ça la transition. La transition, c'est 15 secondes à ôter la neige. Là. Ouais, mais tu t'assois et ôter ta botte de faire tes lacets. C'est vrai. Garde la dose en neige dans tes bottes. C'est tellement plus simple. Vous avez une roche dans vos souliers, vous la gardez. Mais pour plusieurs, c'est comme ça. Bon. Il fait un peu froid, là, tu pèles de dehors, là, mais donc tes mitaines sont... Ah, oh, ça va pas non. La transition, c'est d'arrêter de rentrer et mettre tes petites maudites mitaines puis de ressortir. C'est pas long, c'est pas vrai que c'est souffrant comme on pense. C'est sûr que si tu rentres dans la chaleur, oui, mais là, il va au smitaine, il va me faire plus chaud que ça aujourd'hui, puis ça dépend comment tu vas le faire. C'est évident qu'il y a du monde qui vont te dire que tu n'es pas correct. Mais honnêtement, qu'est-ce que vous en avez à faire qu'on vous trouve correct? C'est sécurisé. Sur 5 milliards d'humains, là, prenez conscience que si ça te sécurise qu'il y en a 3 qui te trouvent correct, mais pense qu'il y en a 5 milliards qui te trouvent bien pas correct. Non, mais c'est que tu y penses pas à ça. Je le sais. Alors, t'as rendu compte de la farce de l'illusion? Centre-toi donc un petit peu à un moment donné. Tu t'habilles, tu te regardes, ça te va. C'est pas comme tu aimerais, mais c'est le mieux que tu peux être. Les autres n'ont rien à dire là-dedans. Tu t'habilles pas pour écœurer quelques-uns, faire frustrer. Ah, moi, je suis révolutionnaire. Moi, c'est pas ça du tout. Quelle campagne de vie! C'est autre chose, la vie. Parce que justement, étant donné, quand on vit les situations, quand on est dans l'action, on y pense quand on est rendu chez nous. Ah ouais, là, c'est ça qui est pas. Si on commence à un niveau de conscience, bien là, on y pense après. Mais là, il est tout le temps trop tard. Ce qu'il faut probablement, c'est d'en parler. À un moment donné, on vient qu'avoir des mémoires d'intervention qui fait que quand tu es dedans, bien là. Mais en parler intelligemment, évidemment, de mécanique. Voyez-vous, il y a la possibilité de faire. Savez-vous qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? C'est très, très, très simple qu'il faut qu'on fasse. Il faut, premièrement, il faut que tout le monde recommence à s'instruire. C'est une chose à faire. Vous rentrez chez vous. Vous commencez par lâcher prise avec toutes les mécaniques enguirnantes de tout ce que vous devez faire pour être correct dans la société, puis dans ci, puis dans ça. Vous allez continuer à arrêter ces feux rouges. Vous êtes intelligent. Vous allez continuer à agir d'une façon structurée au niveau des relations humaines. Et quand votre patron vous dit, « Hey, sais-tu que quand t'as ta petite jeep de verte, tu sais, pas elle, l'autre, là, t'es pas mal, t'es cute, là, vous n'avez pas besoin de crier après. Le gars, c'est un corps physique là, qui vient vous parler. Là. Bon. Au pire, vous lui donnez la petite robe en cadeau, il a l'air à l'aider. Ça peut créer des petits problèmes, bon. Vous n'avez pas à vous offusquer, vous n'avez pas à vous insulter, vous n'avez pas à rien faire, vous n'avez pas à la remettre. Ça peut tellement être plus simple pour relaxer. Ensuite, donc, le relâcher prise, vous instruire. Vous instruire, ça veut dire de lire, ça veut dire de s'informer. Pas s'informer sur une ou deux, trois ou quatre, cinq choses. Ça veut dire de temps en temps lire en fouiller dans l'encyclopédie. Ça veut dire s'intéresser à tout ce qui se passe au 20e siècle, 21e siècle, en 2000, 2005, 2010. Ça veut dire s'intéresser au neuf. Ça veut dire apprendre un petit peu des choses qui regardent l'avenir. Ça veut dire s'informatiser un petit peu, avoir un ordinateur à un moment donné. Ça veut dire apprendre de nouvelles choses. Oh, mais c'est compliqué, ça a plus que 3 boutons. Laissez-vous le temps. Vous allez finir par être capable d'utiliser la télécommande autrement que pour taper les mouches. T'sais, lentement, vous allez finir par être capable d'apprendre. Il faut se laisser aller dedans. S'instruire, c'est important parce que l'instruction va faire en sorte que vous allez comprendre qu'il y a des clés, des solutions qui existent. Disponible aujourd'hui dans presque tous les domaines de la problématique humaine. Il y en a. Oui, mais moi, là, j'ai une job, tu sais, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Vous pouvez vous lancer vous-même en affaires. Vous pouvez créer votre propre entreprise. En affaires, pas d'amis. Vous pouvez être en affaires avec des amis. Je le sais, je le suis. Vous pouvez faire ces choses-là, mais on doit lire, on doit apprendre, on doit s'instruire. C'est pas des coups de philosophie, de « Ah, je t'aime, on a tout lâché, je décidais que… » Ça se fait progressivement. Les solutions sont toutes là. Au départ, c'est tout le facteur humain. Vous vous barrez comment? Vous avez le goût d'une relation sexuelle à soi, puis l'autre est venu de dire oui. Puis la femme, souvent, ça étend pas, puis là, d'un ou l'autre arrivé, puis… C'est pas ça, la vie. La vie, c'est pas la dernière tranche de pain, il reste plus de pain. Oui, mais moi, je trouve ça original, ta mère, quand elle me chauffe après. Bon, t'as encore fini pour le pilote, hein? Écoute, ben si, boulot, faut bien que quelqu'un le finisse. Tu sais, à un moment donné, ah, on va le laisser pour le prochain. Mais si tout le monde est bien élevé comme moi, c'est arrivé à un moment donné qu'on était bien élevé dans la famille, ma mère, elle disait, Pourquoi vous avez commencé le pot neuf, là? Lui, il est pas fini. On le laissait pour le prochain. Il est beau. C'est pas pour ça, parce que ça trouve plus intéressant de prendre le dessus de l'eau. Mais relaxer dans la vie, face à la vie, c'est le remède en face de la désillusion, c'est la simplicité puis le lâcher prise. Regardez-vous vivre. Et regardez si la vie est à la hauteur de votre intelligence. Si c'est non, vivez tout ça. Arrêtez. Vous courez, vous êtes nerveux, stressé. Arrêtez. Vous allez être en retard, c'est pas grave. Puis vous allez finir par partir avec le bonheur. Ça peut être tellement plus simple, surtout au niveau de la relation humaine. Vous avez le droit d'être ce que vous êtes. Il n'y a personne qui a le droit de venir vous grimper sur l'autre. Non plus, vous ne grimpez pas sur l'autre du monde. Alors on relaxe, on respire par le nez, puis on fait le prochain.